Chapitre 8e. Inspiration diabolique. Madame Harding entra dans l'agréable petite pièce au panneau de chêne, dont on se servait généralement pour le déjeuner de très bonne heure, le lendemain matin de la visite de Holroyd. Mais quoique l'horloge de l'abbaye n'eût pas encore sonné 8 heures, elle trouva Arthur Holroyd devant l'embrasure de la croisée, contemplant le paysage boisé magnifique au soleil de ces délicieuses matinées de septembre. Les hommes qui ont mené activement une vie perverse se lèvent généralement de bonne heure. Ce sont seulement les hommes passifs, ni bons ni méchants, tels que Charles Stuart ou Rochester, qui restent tard au lit. Néron doit s'être levé de bonne heure lorsqu'il a préparé l'incendie de Rome et pris ses arrangements pour cette fête. Et Marie-Marguerite d'Aubray, marquise de Brinvilliers, doit avoir eu peu de temps à donner au sommeil. La vie de Arthur Holroyd avait été très active, et les premiers rayons venant de l'Est brillaient généralement à ses yeux déjà ouverts, et le trouvaient occupé à préparer ses plans de campagne pour la journée. Il était le plus jeune fils d'un cadet, et n'avait jamais eu d'argent à lui qui méritât qu'on en parle. Cependant, il avait vécu et avait mené cette espèce d'existence qui, selon lui, était agréable. Il s'était fourni chez les meilleurs marchands, avait été poursuivi par les meilleurs huissiers, s'était enfui et avait parcouru les plus agréables villes du continent lorsque l'heure sombre de l'insolvabilité avait sonné. Enfin, il avait été forcé de s'expatrier et avait passé sa méprisable existence dans ces villes d'eau étrangère où le vice revêt ses formes les plus agréables et étale sa brillante image aux yeux même de l'ennuyeuse et pauvre vertu. Il était parvenu à s'y plaire assez, vivant au jour le jour, et se procurant de l'argent de toutes les manières et par des voies détournées, mais préservant la blancheur de ses mains, la parfaite symétrie de son pied étroit, et le charme gracieux de ce sourire qui avait toujours été irrésistible pour le faible sexe féminin, depuis qu'étudiant sans le sou, il avait quitté l'université avec une foi ineffable en lui et un profond mépris pour ses semblables, un mépris qu'il était assez sage pour cacher sous le masque d'un bon naturel. Il n'est rien de plus facile que d'acquérir la réputation d'avoir un bon naturel. Et en courant après la popularité, l'homme qui sait dire des choses agréables est toujours sûr de l'emporter sur celui qui ne fait que de bonnes actions. La fortune d'un millionnaire ne viendra pas à l'homme bienfaisant qui donne à chacun ce qu'on lui demande, mais plutôt au beau parleur qui saura se rendre agréable à l'univers. Il sera moins malheureux que lui dans ses transactions et probablement deviendra beaucoup plus riche. Toute la substantielle bonté d'un Gerald Douglas ne contrebalancera pas une plaisanterie piquante dans l'esprit de la victime qui a été atteinte. Holroyd avait choisi son chemin dans la vie dès le début et ne s'en était jamais détourné. Pour lui, l'épitaphe de Rochester pour son gracieux souverain aurait pu être paraphrasée. C'était un homme qui n'avait jamais fait une chose honnête et n'avait jamais dit une parole rude. Il se retourna quand la veuve entra dans la chambre et la gratifia de son plus délicieux sourire. « Comme c'est aimable » s'écria-t-il. « Je comptais sur vous ce matin de bonne heure, et vous ne m'avez pas désappointé. J'admirais le paysage. Sur ma parole, les gentilshommes propriétaires de Bjork doivent en recevoir nos remerciements. Et si ce n'était l'ennui qu'ils éprouvent d'être forcés de payer leurs dettes, ils seraient des objets dignes d'envie pour un pauvre homme. Que la nature est délicieuse après la pluie, si riante, si fraîche, si fortifiante. J'ai toujours pensé que la pluie sur la nature ressemblait presque à l'effet de l'argent comptant sur la race humaine. Une influence vivifiante et balsamique, vous savez. Et par parenthèse, cela me ramène à ce que je n'ai pas besoin de dire, aux 350 livres pour les Juifs. Madame Harding prit une enveloppe dans sa poche et la tendit à Arthur Holroyd. Il froissa le papier entre ses doigts, et écouta en souriant le petit bruit produit par cette opération. « Oui, s'écria-t-il, l'argent comptant est incontestablement la rosée qui ranime une âme flétrie et desséchée. La pelouse est sèche et brûlée, mais la fécondante humidité descend, et l'herbe devient verte, ma douce blanche, c'est plus que bon à vous. » murmura Holroyd en déchirant l'enveloppe, et si parfaite était l'expression de sa reconnaissance, qu'il semblait que l'argent extorqué à la veuve mécontente avait été le libre tribut d'une généreuse amitié. « Je ne vous ferai pas l'injure de compter les billets, » dit-il en les mettant dans un délicat portefeuille, répandant l'odeur particulière au cœur de Russie. Combien? Tout ce que j'ai au monde, excepté quelques livres que j'ai gardés pour m'en aller d'ici, répondit Madame Harding d'une manière sombre qui aurait beaucoup étonné Sir Gaspard s'il avait pu la voir. 300 livres. Je ne puis vous donner 6 pence de plus. Je ne le pourrais pas. Quand même Godfrey serait dans la pièce à côté et que vous menaceriez d'aller droit à lui et de me trahir. Mais je ne vous menace pas, répliqua Holroyd. Je n'ai jamais menacé. Et ne puis m'imaginer aucune circonstance où je me verrais forcé de menacer. Non. Même en reprenant notre petite parabole sur les galériens. L'ancien camarade du forçat échappé ne le trahira pas. L'évadé est beaucoup trop sage pour faire quelque chose qui rende cela nécessaire. Il vient au secours de son ancien compagnon de chaîne sans grogner, et son ancien compagnon de chaîne est reconnaissant. Je suis fâché que vous n'ayez pu trouver les 350 livres, mais il faudra bien que les Juifs se contentent de 300, en acompte. N'avez-vous pas peur? Demanda Madame Harding, en regardant son compagnon avec des yeux sombres et menaçants. N'avez-vous pas peur qu'il vous arrive quelque malheur en retour de votre perversité? Non, répondit Holroyd légèrement. Toutes sortes de choses désagréables m'arrivent, mais pas en retour de ma perversité, car je trouve qu'il arrive encore des choses plus désagréables à des individus beaucoup meilleurs que moi. S'il y avait un système proportionnel de châtiment et de récompense dans cette vie, et si un homme pouvait, en se conduisant décemment dans sa jeunesse, s'assurer de bonnes rentes pour le milieu de sa vie, nul jeune homme ne se serait mieux conduit que moi. Mais je me suis aperçu de très bonne heure que les gens qui ont fait de grandes fortunes ne sont pas les meilleurs. Quant à moi, je n'ai jamais été mauvais par parti pris. Il faut qu'un homme vive, vous savez, qu'il ait au moins ce qui, selon son opinion, est de première nécessité, et j'ai fait du mieux que j'ai pu pour m'assurer une existence. Quant au châtiment, j'ai commencé à sentir quelques élancements sous mon épaule droite. Qu'un docteur attribue un refroidissement, un autre au foie, un troisième à de la faiblesse. Mais je suppose que Wilberforce a eu le même sort et les mêmes élancements après son 50e anniversaire de naissance, en dépit de tous les nègres qu'il a émancipés. Et maintenant, ma chère Blanche, parlons de sujets bien plus agréables. Combien de temps resterez-vous ici? Je ne sais pas. Blanche, de toutes les qualités, il n'y en a pas de plus charmante que la franchise. Pourquoi ne voulez-vous pas être franche? Supposez-vous que je sois assez aveugle pour ne pas voir vos plans et croire que je désapprouve vos aspirations? Est-ce que Lady Denison ne peut pas être une aussi bonne amie pour moi que Blanche Harding l'a été dans le passé? Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire en ce moment. C'est vous qui avez envie de devenir Lady Denison, et sur ma parole, je pense que vous avez une belle chance de réussir si vous jouez vos cartes avec discrétion. Que diriez-vous de mes chances si Godfrey Pierpoint était revenu en Angleterre? Diantre! Je dirais qu'il ne peut avoir choisi un moment plus malencontreux pour son retour. Mais est-il revenu? Il est revenu. Et d'un moment à l'autre, il peut venir dans cette maison. C'est le monsieur Pounceford dont vous avez entendu prononcer le nom plusieurs fois hier soir. Quoi? L'individu excentrique qui demeure à l'ermitage? J'aurais dû reconnaître notre Don Quichotte de Camberwell à la description qu'en a faite le baronnet. Il ne peut pas y avoir dans le monde un homme aussi fou que lui. Mais où est mon ami Pierpoint maintenant? On dit qu'il est encore allé à l'étranger, qu'il est retourné à ses anciens repères africains, mais il conserve toujours le cottage où il a demeuré, et je pense qu'il est douteux qu'il ait quitté l'Angleterre. Peut-être Mademoiselle Denison pourrait-elle nous dire quelque chose sur ses mouvements? Mademoiselle Denison, ma chère Blanche, vous devenez plus impénétrable à chaque minute. Pourquoi Mademoiselle Denison? Parce que lui et elle étaient très intimes. Il y avait un amour fou l'un pour l'autre, à ce que je crois. Incorrigible. Notre Don Quichotte encore amoureux. Je pensais qu'il l'avait été assez. Il s'arrêta tout à coup, et son expression devint un peu plus grave que d'habitude. Oui, vous avez raison, dit-il. L'âme a ses élancements de temps à autre aussi bien que les épaules. Le foie d'un fort buveur peut se ratatiner et devenir pas plus gros qu'une noix, mais c'est toujours un foie. Je suppose que la conscience d'un homme du monde est quelque chose de semblable. Elle peut devenir très petite, mais il en reste toujours un peu jusqu'à la fin. Si je n'étais pas trop vieux et trop usé pour me fâcher de quelque chose, je regretterais d'avoir jamais pris le chemin du cottage de Camberwell. Il s'arrêta quelques moments en s'appuyant sur le manteau de la cheminée, sa figure cachée dans sa main. Mais il fut vite tiré de sa rêverie par la porte qui s'ouvrit et par l'entrée de Sir Gaspard Denison, et une minute après, il faisait l'aimable avec le baronnet. Mademoiselle Denison ne parut pas au déjeuner, et Madame Harding quitta immédiatement la pièce après la fin du repas pour aller faire une petite visite de bienséance à l'appartement de Marcia, pendant que Sir Gaspard montrait ses tableaux modernes au bon appréciateur qui lui faisait visite. La veuve trouva Marcia très pâle d'aspect, très froide de manière, et elle la quitta après quelques paroles de conversation, complètement désappointée et inquiète. « Sait-elle quelque chose sur Arthur Holroyd ?» se demandait-elle, « et veut-elle l'éviter ?» Il était plus de 10 heures lorsque Madame Harding quitta Marcia. Elle alla droit à son cabinet de toilette et mit un chapeau et un manteau. À 11 heures, elle marchait dans le sentier frayé entre la porte ouest de l'Ermitage, un sentier tracé au milieu des bois de Scarsdale, obscurci d'un côté par une pente très raide couverte de broussailles et bordée de l'autre par une fougère inculte. Cet endroit était sombre et triste, même le jour, et aussi noir que les rêves lorsque la nuit était tombée. Mais les habitants de Scarsdale ne songeaient pas plus à y pénétrer à 10 heures par une soirée sans lune qu'un cockney ne penserait à se promener dans Cheapside. Madame Harding parcourut le sentier boisé à peu près un quart d'heure avant que le lieutenant parût. Il n'avait jamais été de sa vie exacte à un rendez-vous, et il arriva à celui-ci tout rouge d'avoir couru. « Il faut que j'aie le diable au corps pour être venu ici en si peu de temps, » dit-il. « C'est très aimable à vous de vous y trouver, beau, blanche. Je pensais bien que si vous saviez combien les affaires d'un pauvre garçon sont désespérées. Si c'est vous que vous voulez désigner en parlant de pauvre garçon, je n'ai jamais connu vos affaires autrement que désespérées, » dit Madame Harding de sa plus dure voix, et sa voix pouvait être très dure quelquefois. « Je crains que vous ne soyez pas si enchanté de me voir lorsque vous saurez que je suis seulement venu pour vous dire que je ne puis vous donner aucune aide, et que c'est tout à fait inutile de m'assommer avec vos lettres et de me faire poursuivre par l'entremise de vos vulgaires amis. »« Je vais vous dire ce que c'est, Blanche, » dit le lieutenant avec un air de résolution qui ne lui était pas habituel. « Je suis dans une passe très sérieuse en ce moment, et il faut que j'aie de l'argent. »« Alors vous devez en chercher autre part. Vous n'en tirerez pas de moi. » Je n'en ai point à vous donner. Je ne vous crois pas. Croyez-moi ou ne me croyez pas, cela m'est égal. Vous dites si rarement la vérité vous-même qu'il est tout naturel que vous pensiez que je fais un mensonge. Tout l'argent que je possède monte exactement à 9 livres 7 shillings, et j'en ai besoin pour quitter ce lieu honorablement et me rendre dans mon ancienne habitation où je pourrais vivre avec mon crédit 1 mois ou 2. Je ne vous crois pas, Blanche, répondit Cafron. Je sais que vous n'êtes pas femme à mettre tant d'argent à vos volants et à vos falbalas, et je ne puis pas croire que vous dépensiez 500 livres par an. Je ne dépense pas 500 livres par an, répliqua Madame Harding de mauvaise humeur. Que lui entredevient votre argent alors? Supposez que j'ai un autre pensionnaire encore plus exigeant que vous. Quel autre pensionnaire? Arthur Holroyd. Arthur Holroyd? S'écria le lieutenant devenant très pâle. « Vous ne voulez pas dire qu'il prend votre argent ? L'argent de Godfrey Pierrepoint ? Je veux le dire cela et je ne l'invente pas. »« Grand Dieu ! » s'écria le lieutenant. « Je ne pouvais penser qu'il existait une telle bassesse dans le monde. Je ne le regardais pas comme un homme particulièrement honorable, mais je ne pouvais croire qu'aucune créature portant le nom d'homme peut être assez misérable pour le faire. »« Toutes les créatures portant le nom d'homme peuvent être assez misérables pour faire toute chose lorsqu'elles y trouvent leur avantage, » répondit Madame Harding froidement. Elle n'était pas en disposition de faire une grande différence entre les deux hommes qui lui demandaient de l'argent. Ils la tourmentaient tous les deux, et entre eux elle avait une vie très malheureuse. Elle ne pouvait considérer autre chose au-delà de cette idée en ce moment. « Arthur Holroyd m'a pris ce matin 300 livres. » dit-elle après une pause durant laquelle le lieutenant semblait être plus absorbé par l'idée de la bassesse de Holroyd que par ses propres besoins. « Et il m'a laissé avec moins de 10 livres. »« Caroline, » dit Gervoise aussitôt, « ou Blanche, si vous l'aimez mieux. »« Je ne savais pas qu'Holroyd fut en Angleterre. Je ne savais même pas qu'il fut vivant. Mais je me croyais sûr que vous et lui ne vous étiez jamais vus depuis que vous aviez quitté Buenos Aires, et qu'une rencontre entre lui et vous était la dernière chose qui put arriver. Que vous soyez en communication avec lui, que beaucoup, ou si pence de l'argent de Pierpoint passe dans ses mains, me dégoûte plus profondément que je ne puis l'exprimer. Vous parlez comme un insensé. » S'écria Madame Harding avec impatience. « Supposez-vous que je cours après M. Holroyd et que je souhaite revoir son visage faux ? Je l'ai rencontré par hasard à Bade, lorsque j'étais avec ma sœur, et je l'ai rencontré encore à Naples un peu avant la mort de ma sœur. Depuis lors, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éviter, et je me suis abaissé jusqu'au stratagème dans le désir de lui échapper. Mais il m'a poursuivi de ville en ville, et maintenant il me chasse d'ici. Mais pourquoi lui donnez-vous de l'argent ? Pourquoi me tourmentez-vous par ces questions déraisonnables ? » dit Blanche avec colère. « Ne pouvez-vous pas deviner pourquoi j'accède continuellement à ces demandes ? Supposez-vous que je veuille que l'histoire de ma vie soit publiée partout où je vais ? Vous imaginez-vous qu'il se ferait faute de le faire si je ne le payais pas pour retenir sa langue ? Je suis ici sous un faux nom, respectée, caressée, presque la maîtresse de la maison. Il sait qu'ici, plus que partout ailleurs, il peut me ruiner en disant quelques mots. Voilà pourquoi il me demande de l'argent et pourquoi je lui en donne. » « Il faut le tuer comme un chien, » murmura le lieutenant. « Je pense qu'un homme ne ferait pas plus mal en tuant ce chenapan qu'en tirant un coup de fusil à un chien enragé. » « Si j'avais un frère qui s'inquiétait de moi, Holroyd pourrait bien courir quelques dangers, » répondit Madame Harding, « mais tel que cela est. »« Si vous aviez un frère qui s'inquiétait de vous, » répéta Gervois avec un peu de sentiment dans son ton. « Comme si vous ne saviez pas que je m'inquiète de vous en tant qu'un pauvre diable comme moi peut s'inquiéter de quelqu'un ou de quelque chose. Bonté du ciel !» s'écria le lieutenant, emporté par un soudain élan de remords qui était tout à fait étranger à l'indifférence insouciante de ses manières ordinaires. « Quelle misérable suite d'infortunés qu'affreux nous avons été, depuis le premier jusqu'au dernier, et quelle vie méprisable nous avons tous menée. Quoi ? La première personne dont je me souvienne, sous la forme d'un étranger, était un huissier, qui, je me le rappelle, me donna si peine, c'est que j'aimais, en me demandant pourquoi mon père jurait après lui et le trompait. Quelle enfance nous avons eue, quelle jeunesse! Bousculé, jeté hors de notre demeure, et allant à la hâte dans une autre, laissant dans chaque endroit des dettes et vivant sous de faux noms dans d'obscurs faubourgs, où les habitants avaient confiance en nous et nous faisaient crédit jusqu'à ce que nous nous en allassions. Emportant à la dérobée notre bagage pièce à pièce, protégé par une nuit noire. Fra Diavolo et Dick Turpin, n'étaient-ils pas de splendides gaillards comparés à nous ? Cartouche et Jack Shepard n'étaient pas aussi vils que nous l'étions, car ils risquaient leur vie. Vous rappelez-vous le baron du roi et Lord Chasing Staple, qui était un si grand homme dans ce temps-là ? Sur ma parole, je pensais qu'il était un grand personnage et le premier gentilhomme du monde. Vous rappelez-vous les gentils petits dîners que mon père avait l'habitude de donner dans ses appartements de parade pendant que ses créanciers le maudissaient au dehors ? Vous rappelez-vous cet homme qui avait l'habitude de venir faire sa ronde à 8 heures avec un panier et une sonnette et criait « du bœuf salé et des pieds de mouton » qui était le seul couvre-feu que j'entendis jamais dans mon enfance ? Est-ce étonnant qu'en grandissant, je sois devenu un chenapan ? Est-ce étonnant que nos existences n'aient été que honte et misère ? La première leçon que nous ayons reçue était de dire des mensonges aux marchands et de paraître leur dire la vérité. Est-ce donc extraordinaire que nous soyons devenus vils et faux ? Vous souvenez-vous de cette histoire sur les valeurs que mon père attendait du Nord ? Je suppose que cela avait une signification autrefois et que mon père avait réellement eu des propriétés dans le Nord. Mais je sais que nous répétions cela à tout le monde longtemps après qu'il n'y en avait plus et que ce n'était qu'un effronté mensonge. Et toutes les mesquineries, les lésineries, biles, les petits mensonges qui venaient du manque d'argent. Dieu du ciel, quand je pense à tout cela, je suis disposé à croire que l'homme qui a été élevé comme un gentleman et qui n'a pas d'argent pour continuer à mener son existence oisive et inutile selon sa condition est l'être le plus malheureux de la création. Si je m'étais marié et que je suis des fils, et Dieu sait combien les pauvres diables eussent été à plaindre d'avoir un tel père. Les aurait mis en apprentissage chez des forgerons et chez des charpentiers. Ils se seraient assis les jambes croisées sur les tables pour confectionner des habits ou abrités dans une affreuse niche au coin des rues et ils auraient ressemblé les vieilles bottes. Ils auraient grimpé aux échelles et allumé les réverbères. Ils auraient fait 20 000 par jour pour porter des lettres. ils auraient fait les plus sales, les plus viles, les plus communes besognes du monde, plutôt que de se croire des gentlemen et de vivre avec l'argent des autres, et de se dire descendant d'Édouard le confesseur. La tirade passionnée du lieutenant aurait aussi bien pu être un soliloque, pour le peu d'effet qu'elle produisit sur sa compagne. La dame avait trop à penser en ce moment. Elle ne pouvait accorder son attention ni aux paroles ni aux sentiments de son important frère, qui ne lui écrivait ou ne venait à elle que lorsqu'il avait besoin d'argent. Elle pensait à ce qu'il lui avait dit au sujet de Holroyd. On aurait tué un tel homme comme un chien. Si quelqu'un pouvait le tuer, si quelque braconnier pouvait savoir l'argent qu'il a sur lui, et aller l'attendre pour tirer sur lui lorsqu'il traversera le bois. Il avait raison lorsqu'il m'a dit qu'il n'y a plus d'assassins à gages dans ce siècle-ci. S'il y en avait, sa vie ne serait pas en sûreté. Voilà ce que Madame Harding pensait en marchant à côté de son frère. Un homme en velours à côte venait à elle. Il avait un visage basané et un cou de taureau entouré par un mouchoir à œil de perdrix qui seul aurait témoigné contre lui, tant était meurtrier le nœud coulant qui l'attachait. « Vous êtes laid et sale, » pensait Madame Harding en regardant le vagabond. « Mais tout sale et tout laid que vous êtes, je vous embrasserais si je pensais que vous puissiez arrêter cette nuit Arthur Holroyd sur sa route et avant sa rentrée chez lui. »« Venez, Blanche, » dit Jervois tout à coup, « de grâce, ayez un peu de compassion de moi. Je ne pense pas qu'il ait jamais un garçon aussi déterminé que je le suis en ce moment. Est-ce bien vrai que vous n'avez pas d'argent ? C'est aussi vrai et aussi réel que la terre sur laquelle nous marchons. Pouvez-vous m'en procurer ? J'ai besoin de 50 livres, et si je ne les trouve point, je serai perdu. Et un autre homme qui m'a prêté de l'argent, qui n'était pas à lui, ira en prison. Je ne puis regarder cet homme en face jusqu'à ce que je lui ai rendu cet argent. Voulez-vous en emprunter pour moi, Sir Gaspard ? Je ne le ferai pas pour sauver votre vie, répondit Blanche Harding résolument. J'ai donné ce matin 300 livres à Holroyd pour pouvoir garder ma position à l'abbaye de Scarsdale. Je ne suis pas une extravagante assez bête pour la perdre en essayant d'emprunter de l'argent sur Gaspard, et il est le dernier homme de la terre qui m'en prêterait, si j'étais assez folle pour lui en demander. Il y a Mademoiselle Denison. Vous pouvez en demander à Mademoiselle Denison, soupira Jervois d'une voix rauque. Il en avait un si grand besoin, il était si malheureux, si désespéré, qu'il se sentait prêt à s'élancer sur sa sœur et à l'étrangler, si elle persistait à lui refuser de venir à son aide. Mademoiselle Denison me déteste, et ne me donnerait pas 6 pence pour m'empêcher de mourir de faim, riposta Madame Harding, qui jugeait des sentiments de Martial d'après les siens, si elle se fût trouvée dans cette situation hypothétique. Je vous répète encore qu'il me faut cet argent, réitéra son frère dans un murmure rauque. Alors trouvez-en vous-même. Je vous répète encore que j'ai donné mon argent à Holroyd. Je lui ai donné, il y a quelques heures, 300 livres en billets de banque d'Angleterre. Demandez-lui de vous en donner quelques-unes, si vous voulez. C'est un ancien ami de votre père. Vous le connaissez, et vous devez savoir quelle chance vous avez en vous adressant à lui. Je le sais, répondit le lieutenant amèrement. Puis, après quelques instants, il dit d'un ton tout à fait différent. 300 livres sterling. Des billets de banque pour 300 livres. Et 50 me sauveraient moi et un autre homme de la ruine. Dieu du ciel. Et si je retourne à Roxborough sans cet argent, j'aurai sur le dos ce daube qui pleurnichera et se lamentera à cause de moi tout le reste de ma vie. Caroline. Il appelait sa sœur de ce nom qui lui était plus familier quand il était très ému. Caroline. Si je n'ai pas cet argent avant ce soir, je me tuerai avant demain matin. Avant de faire cela, vous devriez essayer si vous avez de la chance avec Holroyd. Il peut vous donner de l'argent. Jervois se retourna vers sa sœur. Il était d'une pâleur mortelle et ses lèvres tremblaient convulsivement. Que voulez-vous dire par ces paroles ? Demanda-t-il de ce ton étouffé dans lequel sa voix était tombée à mesure que sa colère augmentait. Je veux dire simplement ce que je dis. Vous tuer serait une chose horrible, et c'est la dernière chose que vous puissiez faire. J'étais à moitié décidé à me noyer à Naples quand il arriva quelque chose qui m'en empêcha. Peut-être eût-il mieux valu d'avoir suivi mon idée. Vous pouvez bien vous adresser à Holroyd avant de vous brûler la cervelle. Vous ne pourriez pas le faire après. Quoiqu'il fût dans l'habitude de Madame Harding de regarder hardiment les gens en face avec ses yeux noirs étincelants, elle détourna la tête un peu de côté au moment où elle disait ces mots à son frère et regarda tristement dans les profondeurs obscures des taillis et des fougères. Tout philosophe et optimiste que fût Sir Gaspard, il n'aurait plus songé à prendre Blanche Harding pour sa femme s'il avait vu sa figure en ce moment. « Pourquoi revenez-vous sur Holroyd et sur l'argent que vous lui avez donné ?» demanda le lieutenant. « Vous savez aussi bien que moi qu'un homme qui extorque de l'argent à une femme, et particulièrement à vous, est juste le dernier homme sur terre capable de renoncer à un shilling de cet argent pour sortir un pauvre diable d'embarras. Vous devez vous souvenir que j'ai toujours détesté Holroyd, qui était insolent avec moi quand j'étais jeune et quand il était toujours pendu chez nous, prétendant qu'il était l'ami de mon père, et qu'il vous entraînait à une intimité si fatale pour vous depuis ce moment que la mort la plus terrible qui eût pu tomber sur vous dans ces derniers temps eût été une sainte intervention du ciel. Il était insolent avec moi et barbare dans ses manières. Car quelques hommes ont une espèce de politesse de tigre qui est plus barbare que la brutalité d'un autre homme. Il me détestait parce que j'en savais trop sur vos rapports avec lui et sur les lettres qui s'échangeaient entre vous à l'insu de mon père, et je le détestais et lui rendais son insolence. Le ciel sait pourquoi. Peut-être parce que j'avais instinctivement conscience qu'il serait notre plus fatal ennemi. Vous pensez, parce que je suis un vaurien et que j'ai mené une mauvaise vie, que je ne puis sentir ces choses, que je ne puis avoir ni mémoire ni conscience. Je vous dis, Caroline, que je ne recevrai pas un shilling de cet homme comme don ou même comme prêt pour me sauver de la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Si je pouvais lutter corps à corps avec lui et m'emparer de son argent par la force et le défier de me le reprendre ou divulguer sa bassesse à la lumière du jour et dire comment et dans quelles circonstances il l'a volé, je le ferais sans hésitation. Si je pouvais avoir l'argent dont j'ai besoin en le lui demandant sur la grande route, je l'attendrai pieds nus dans la boue, mais je ne ferai pas le chien couchant près d'Arthur Holroyd. S'il y a encore une légère étincelle de virilité dans cette détermination, c'est la dernière étincelle d'honneur qui m'est restée, et elle ne s'éteindra qu'à ma mort. » Madame Harding ne fit aucune réponse à cette dernière partie du discours de son frère. Elle s'inquiétait si peu de ce qu'il pouvait sentir ou penser qu'il est douteux qu'elle eût rien entendu de tout ce qui le concernait seul. Une sombre et hideuse pensée absorbait toutes ses facultés pensantes. Une sombre et horrible image remplissait son imagination. L'espoir d'échapper à l'esclavage le plus misérable et le plus dégradé qui ait jamais tenu une femme dans ses liens avait lui dans son esprit depuis le dernier quart d'heure. Elle avait essayé de chasser l'effroyable pensée qu'il pouvait y avoir une chance d'y échapper. Elle avait essayé d'éloigner l'horrible image de son cerveau. Mais une fois évoquée, le fantôme n'était pas de nature à être exorcisé. Il s'élevait devant elle comme un monstre fantastique semblable à l'apparition du gigantesque bourreau de Frankenstein et obscurcissait tout l'univers avec la noirceur de sa forme de spectre. « Arthur Holroyd n'est pas digne d'un vrai combat, » dit-elle, répondant à une phrase particulière du discours de son frère. « Il n'est bon qu'à ce que vous disiez tout à l'heure qu'à être tué comme un chien. » Mais ne parlons pas de lui davantage. Il m'a pris mes 300 livres et il est heureux. Sa langue dorée lui a concilié les bonnes grâces de Sir Gaspard et il dîne ici aujourd'hui. Il a son cheval avec lui, un bel alezan magnifique, acheté avec mon argent, je pense, et je suppose qu'il retournera à son logis avec mes dépouilles. Que voulez-vous dire par son logis? Où est-il? Il est en ce moment à Marchbrook, chez le colonel Slingsby. Caroline, dit le lieutenant en posant sa main sur l'épaule de sa sœur et en la clouant au sol. « Je vous dis, pour la dernière fois, que je suis tout à fait désespéré. N'avez-vous pas de diamants dont vous puissiez disposer? Nul ami à qui vous adresser? Aucun moyen de me donner les 50 livres qu'il me faut avant samedi soir? Aucun, répondit Madame Harding. S'il vous faut de l'argent, il faut vous en procurer vous-même. » Elle dit cela comme si son frère avait un moyen facile de se procurer de l'argent, un moyen connu d'elle et de lui, quoique non énoncé par eux. « Dieu vous protège, Caroline, si un crime est commis par suite de votre refus, » s'écria Gerboys. Il la lâcha si rudement qu'elle chancela en s'éloignant de 2 ou 3 pas de lui avant de reprendre son empire sur elle-même. Il avait essayé de voir sa figure, tandis qu'il faisait ce dernier appel, mais elle l'avait détourné avec persistance. Il la quitta alors, sans lui dire aucun mot d'adieu, et prit à la hâte le chemin pour retourner à Roxborough. Il avait certains devoirs à remplir dans le courant du jour, et il s'en acquitta de manière ou d'autre. À 5h30, il se rendit dans la rue où les bureaux de Sloper et Hallyday étaient situés, et se promena de long en large sur le trottoir en fumant un cigare, et en regardant seulement de temps à autre les fenêtres du bureau de Dobb. Il s'était rendu dans cette rue dans l'intention de voir le commis brasseur, dont le travail journalier finissait toujours à 6h. Mais lorsque l'horloge sonna 6h, Catherine jeta le bout de son cigare et tourna le coin d'une étroite ruelle menant en pleine campagne. Si des huissiers l'eussent poursuivi, il aurait à peine marché plus vite qu'il ne le fit. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut tout à fait au bout de force. Une fois arrêté, il regarda autour de lui comme un homme qui, pour la première fois, découvre quelle direction ses pieds ont prise. Il se trouvait dans une prairie marécageuse et plate, sur les bords de la Meurdride. Il y avait un certain nombre de vaches arrêtées à quelques pas, le regardant avec leurs grands yeux, et droit devant lui, sur la dernière ligne de l'horizon à l'ouest, le soleil se couchait dans une mer de sang. « Je ne pourrais me trouver en face de cet homme, » murmurait Catherine. « Je sais que je suis le plus abject peureux qui foule cette misérable terre, mais je ne pourrais le voir en face, ni supporter ses lugubres cris. » Il resta si longtemps dans la même attitude, regardant l'eau noire, que les vaches qui le fixaient se fatiguèrent, ou peut-être le prirent pour quelque objet inanimé s'élevant au-dessus des rivages bas et humides et baissèrent leur pesante tête pour se remettre à ruminer lentement le repas du soir. Après être resté ainsi debout pendant 10 ou 15 minutes, Gervois se retourna tout à coup et traversa en courant la prairie pour reprendre le chemin de Castleford. Il courut presque tout le temps, entra dans la caserne sans être vu et se rendit droit à sa chambre. Il ferma la porte au verrou avant d'aller près d'une petite table sur laquelle était une boîte à pistolets en acajou qui ne lui appartenait pas, car sans cela il l'eût engagé, et qui avait été laissée à sa garde pour un jeune officier du régiment. Le lieutenant ouvrit la boîte, prit un des pistolets et examina sa charge plutôt par le toucher qu'avec la vue, car la chambre était presque noire, puis il le mit soigneusement dans sa poche. Il sortit de la caserne pendant que les officiers étaient à leur messe. Il entendit leurs voix bruyantes et le cliquetis de l'argenterie et des verres, et comme il passait près de la pièce où ils étaient rassemblés, il pensa, Dieu sait combien tristement, quelle agréable réunion d'amis c'était, et combien un homme est heureux lorsqu'il peut se joindre à ce joyeux cercle avec un cœur léger et une conscience tranquille. Il sortit des couloirs éclairés au gaz pour entrer dans le sombre crépuscule de la nuit qui s'avançait. En traversant la cour de la caserne, il regarda l'endroit où la lune aurait donné s'il y avait eu la moindre lune cette nuit-là. Ô Dieu du ciel, en était-il venu à cela? Qu'il était dans son intérêt que la terre fût plongée dans les ténèbres qui ne pouvaient le cacher aux yeux de Dieu, mais jeter leur linceul sur ses actions et les dérober à la vue de ses semblables.